qui communiquait de la chambre du conseil à l'audience, se pencha derrière le fauteuil du président et lui remit le papier où était écrite la ligne qu'on vient de lire, en ajoutant « Ce monsieur désire assister à l'audience ». Le président fit un vif mouvement de déférence, saisit une plume, écrivit quelques mots au bas du papier et le rendit à l'huissier en lui disant « Faites entrer ». L'homme malheureux dont nous racontons l'histoire était resté près de la porte de la salle à la même place et dans la même attitude où l'huissier l'avait quitté. Il entendit à travers sa rêverie quelqu'un qui lui disait « Monsieur, veut-il bien me faire l'honneur de me suivre ?» C'était ce même huissier qui lui avait tourné le dos l'instant d'auparavant et qui maintenant le saluait jusqu'à terre. L'huissier en même temps lui remit le papier. Il le déplia, et comme il se rencontrait qu'il était près de la lampe, il put lire « Le président de la cour d'assises présente son respect à M. Madeleine ». Il froissa le papier entre ses mains, comme si quelques mots eussent eu pour lui un arrière-goût étrange et amer. Il suivit l'huissier. Quelques minutes après, il se trouvait seul dans une espèce de cabinet lambrissé, d'un aspect sévère, éclairé par deux bougies posées sur une table à tapis vert. Il avait encore dans l'oreille les dernières paroles de l'huissier qui venait de le quitter. « Monsieur, vous voici dans la chambre du conseil. Vous n'avez qu'à tourner le bouton de cuivre de cette porte et vous vous trouverez dans l'audience, derrière le fauteuil de Monsieur le Président. » Ces paroles se mêlaient dans sa pensée à un souvenir vague de corridors étroits et d'escaliers noirs qu'il venait de parcourir. L'huissier l'avait laissé seul. Le moment suprême était arrivé. Il cherchait à se recueillir sans pouvoir y parvenir. C'était surtout aux heures où l'on aurait le plus besoin de les rattacher aux réalités poignantes de la vie que tous les fils de la pensée se rompent dans le cerveau. Il était dans l'endroit même où les juges délibèrent et condamnent. Il regardait avec une tranquillité stupide cette chambre paisible et redoutable où tant d'existences avaient été brisées, où son nom allait retentir tout à l'heure et que sa destinée traversait en ce moment. Il regardait la muraille, puis il se regardait lui-même, s'étonnant que ce fût cette chambre et que ce fût lui. Il n'avait pas mangé depuis plus de 24 heures. Il était brisé par les cahots de la carriole, mais il ne le sentait pas. Il lui semblait qu'il ne sentait rien. Il s'approcha d'un cadre noir qui était accroché au mur et qui contenait sous verre une vieille lettre autographe de Jean-Nicolas Pache, maire de Paris et ministre, datée, sans doute par erreur, du 9 juin an 2, et dans laquelle Pache envoyait à la commune la liste des ministres et des députés tenus en arrestation chez eux. Un témoin qui l'eût pu voir et qui l'eût observé en cet instant eût sans doute imaginé que cette lettre lui paraissait bien curieuse, car il n'en détachait pas ses yeux, et il la lut 2 ou 3 fois. Il la lisait sans y faire attention et à son insu. Il pensait à Fantine et à Cosette. Tout en rêvant, il se retourna et ses yeux rencontrèrent le bouton de cuivre de la porte qui le séparait de la salle des assises. Il avait presque oublié cette porte. Son regard, d'abord calme, s'y arrêta, resta attaché à ce bouton de cuivre, puis devint effaré et fixe, et s'imprégnit peu à peu d'épouvante. Des gouttes de sueur lui sortaient d'entre les cheveux et ruisselaient sur ses tempes. À un certain moment, il fit avec une sorte d'autorité mêlée de rébellion ce geste indescriptible qui veut dire et qui dit si bien « Pardieu, qui est-ce qui m'y force ?» Puis il se tourna vivement, vit devant lui la porte par laquelle il était entré, y alla, l'ouvrit et sortit. Il n'était plus dans cette chambre, il était dehors, dans un corridor long, étroit, coupé de degrés et de guichets, faisant toutes sortes d'angles, éclairés çà et là de réverbères, pareils à des veilleuses de malades, le corridor par où il était venu. Il respira. Il écouta. Aucun bruit derrière lui, aucun bruit devant lui. Il se mit à fuir comme si on le poursuivait. Quand il eut doublé plusieurs des coudes de ce couloir, il écouta encore. C'était toujours le même silence et la même ombre autour de lui. Il était essoufflé, il chancelait, il s'appuya au mur. La pierre était froide, sa sueur était glacée sur son front. Il se redressa en frissonnant. Alors, là, seul, debout dans cette obscurité, tremblant de froid et d'autre chose peut-être, il songea. Il avait songé toute la nuit, il avait songé toute la journée. Il n'entendait plus en lui qu'une voix qui disait « Hélas !» Un quart d'heure s'écoula ainsi. Enfin, il pencha la tête, soupira avec angoisse, laissa pendre ses bras et revint sur ses pas. Il marchait lentement et comme accablé. Il semblait que quelqu'un l'eût atteint dans sa fuite et le ramena. Il rentra dans la chambre du conseil. La première chose qu'il aperçut, ce fut la gâchette de la porte. Cette gâchette, ronde et en cuivre poli, resplendissait pour lui comme une effroyable étoile. Il la regardait comme une brebis regarderait l'œil d'un tigre. Ses yeux ne pouvaient s'en détacher. De temps en temps, il faisait un pas et se rapprochait de la porte. S'il eût écouté, il eût entendu, comme une sorte de murmure confus, le bruit de la salle voisine. Mais il n'écoutait pas, et il n'entendait pas. Tout à coup, sans qu'il sût lui-même comment, il se trouva près de la porte. Il saisit convulsivement le bouton, la porte s'ouvrit. Il était dans la salle d'audience. Chapitre 9. Un lieu où des convictions sont en train de se former. Il fit un pas, referma machinalement la porte derrière lui et resta debout, considérant ce qu'il voyait. C'était une assez vaste enceinte à peine éclairée, tantôt pleine de rumeurs, tantôt pleine de silence, où tout l'appareil d'un procès criminel se développait, avec sa gravité mesquine et lugubre au milieu de la foule. À un bout de la salle, celui où il se trouvait, des juges à l'air distrait, en robe usée, se rongeant les ongles ou fermant les paupières. À l'autre bout, une foule en haillons. Des avocats dans toutes sortes d'attitudes. Des soldats au visage honnête et dur. De vieilles boiseries tachées. Un plafond sale. Des tables couvertes d'une serge plutôt jaune que verte. Des portes noircies par les mains. À des clous plantés dans le lambris, des quinquets d'estaminets donnant plus de fumée que de clarté. Sur les tables, des chandelles dans des chandeliers de cuivre. L'obscurité, la laideur, la tristesse. Et de tout cela se dégageait une impression austère et auguste, car on y sentait cette grande chose humaine qu'on appelle la loi, et cette grande chose divine qu'on appelle la justice. Personne dans cette foule ne fit attention à lui. Tous les regards convergeaient vers un point unique, un banc de bois adossé à une petite porte, le long de la muraille, à gauche du président. Sur ce banc, que plusieurs chandelles éclairaient, il y avait un homme entre deux gendarmes. Cet homme, c'était l'homme. Il ne le chercha pas, il le vit. Ses yeux allèrent là, naturellement, comme s'ils avaient su d'avance où était cette figure. Il crut se voir lui-même, vieilli, non pas sans doute absolument semblable de visage, mais tout pareil d'attitude et d'aspect, avec ses cheveux hérissés, avec cette prunelle fauve et inquiète, avec cette blouse, telle qu'il était le jour où il entrait à Digne, plein de haine et cachant dans son âme ce hideux trésor de pensées affreuses qu'il avait mis 19 ans à ramasser sur le pavé du bagne. Il se dit avec un frémissement « Mon Dieu, est-ce que je deviendrai ainsi ?» Cet être paraissait au moins 60 ans. Il avait je ne sais quoi de rude, de stupide et d'effarouché. Au bruit de la porte, on s'était rangé pour lui faire place. Le président avait tourné la tête, et comprenant que le personnage qui venait d'entrer était monsieur le maire de Montreuil-sur-Mer, il l'avait salué. L'avocat général, qui avait vu monsieur Madeleine à Montreuil-sur-Mer, où des opérations de son ministère l'avaient plus d'une fois appelé, le reconnut et salua également. Lui s'en aperçut à peine. Il était en proie à une sorte d'hallucination. Il regardait. Des juges, un greffier, des gendarmes, une foule de têtes cruellement curieuses. Il avait déjà vu cela une fois, autrefois, il y avait 27 ans. Ces choses funestes, il les retrouvait. Elles étaient là, elles remuaient, elles existaient. Ce n'était plus un effort de sa mémoire, un mirage de sa pensée. C'était de vrais gendarmes et de vrais juges, une vraie foule et de vrais hommes en chair et en os. C'en était fait. Il voyait reparaître et revivre autour de lui, avec tout ce que la réalité a de formidable, les aspects monstrueux de son passé. Tout cela était béant devant lui. Il en eut horreur. Il ferma les yeux et s'écria au plus profond de son âme « Jamais !» Et par un jeu tragique de la destinée qui faisait trembler toutes ses idées et le rendait presque fou, c'était un autre lui-même qui était là, cet homme qu'on jugeait. Tous l'appelaient Jean Valjean. Il avait sous les yeux, vision inouïe, une sorte de représentation du moment le plus horrible de sa vie, joué par son fantôme. Tout y était, c'était le même appareil, la même heure de nuit, presque les mêmes faces de juges, de soldats et de spectateurs. Seulement, au-dessus de la tête du président, il y avait un crucifix, chose qui manquait aux tribunaux du temps de sa condamnation. Quand on l'avait jugé, Dieu était absent. Une chaise était derrière lui. Il s'y laissa tomber, terrifié de l'idée qu'on pouvait le voir. Quand il fut assis, il profita d'une pile de cartons qui était sur le bureau des juges pour dérober son visage à toute la salle. Il pouvait maintenant voir sans être vu. Peu à peu, il se remit. Il rentra pleinement dans le sentiment du réel. Il arriva à cette phase de calme où l'on peut écouter. Monsieur Bamatabois était au nombre des jurés. Il chercha Javert, mais il ne le vit pas. Le banc des témoins lui était caché par la table du greffier. Et puis, nous venons de le dire, la salle était à peine éclairée. Au moment où il était entré, l'avocat de l'accusé achevait sa plaidoirie. L'attention de tous était excitée au plus haut point. L'affaire durait depuis 3 heures. Depuis 3 heures, cette foule regardait plier peu à peu sous le poids d'une vraisemblance terrible un homme, un inconnu, une espèce d'être misérable, profondément stupide, ou profondément habile. Cet homme, on le sait déjà, était un vagabond qui avait été trouvé dans un champ, emportant une branche chargée de pommes mûres, cassée à un pommier dans un clos voisin, appelé le clos Pierron. Qui était cet homme? Une enquête avait eu lieu, des témoins venaient d'être entendus, ils avaient été unanimes, des lumières avaient jailli de tout le débat. L'accusation disait: nous ne tenons pas seulement un voleur de fruits, un maraudeur. Nous tenons là, dans notre main, un bandit, un relaps en rupture de banc, un ancien forçat, un scélérat des plus dangereux, un malfaiteur appelé Jean Valjean, que la justice recherche depuis longtemps, et qui, il y a 8 ans, en sortant du bagne de Toulon, a commis un vol de grand chemin à main armée sur la personne d'un enfant savoyard, appelé Petit Gervais, crime prévu par l'article 383 du Code pénal, pour lequel nous nous réservons de le poursuivre ultérieurement, quand l'identité sera judiciairement acquise. Il vient de commettre un nouveau vol, c'est un cas de récidive. Condamnez-le pour le fait nouveau. Il sera jugé plus tard pour le fait ancien. Devant cette accusation, devant l'unanimité des témoins, L'accusé paraissait surtout étonné. Il faisait des gestes et des signes qui voulaient dire non, ou bien il considérait le plafond. Il parlait avec peine, répondait avec embarras, mais de la tête aux pieds, toute sa personne niait. Il était comme un idiot en présence de toutes ces intelligences rangées en bataille autour de lui, et comme un étranger au milieu de cette société qui le saisissait. Cependant, il y allait pour lui de l'avenir le plus menaçant. La vraisemblance croissait à chaque minute, et toute cette foule regardait avec plus d'anxiété que lui-même cette sentence pleine de calamité qui penchait sur lui de plus en plus. Une éventualité laissait même entrevoir, outre le bagne, la peine de mort possible si l'identité était reconnue et si l'affaire Petit Gervais se terminait plus tard par une condamnation. Qu'était-ce que cet homme? De quelle nature était son apathie? Était-ce imbécilité ou ruse? Comprenait-il trop ou ne comprenait-il pas du tout? Question qui divisait la foule et semblait partager le jury. Il y avait dans ce procès ce qui effraie et ce qui intrigue. Le drame n'était pas seulement sombre, il était obscur. Le défenseur avait assez bien plaidé, dans cette langue de province qui a longtemps constitué l'éloquence du barreau et dont usaient jadis tous les avocats, aussi bien à Paris qu'à Romorantin ou à Montbrison, et qui aujourd'hui, étant devenu classique, n'est plus guère parlée que par les orateurs officiels du parquet, auxquels elle convient par sa sonorité grave et son allure majestueuse. Langue où un mari s'appelle un époux, une femme, une épouse. Paris, le centre des arts et de la civilisation. Le roi, le monarque. Monseigneur l'évêque, un saint pontife. L'avocat général, l'éloquent interprète de la vindicte. La plaidoirie, les accents qu'on vient d'entendre. Le siècle de Louis XIV, le grand siècle. Un théâtre, le temple de Melpomène. La famille régnante, l'auguste sang de nos rois. Un concert, une solennité musicale. Monsieur le général commandant le département, l'illustre guerrier qui... etc. Les élèves du séminaire, s'étendre les vites. Les erreurs imputées aux journaux, l'imposture qui distille son venin dans les colonnes de ses organes, etc. etc. L'avocat, donc, avait commencé par s'expliquer sur le vol des pommes. Chose malaisée en beau style. Mais Bénigne Bossuet lui-même a été obligé de faire allusion à une poule en pleine oraison funèbre, et il s'en est tiré avec pompe. L'avocat avait établi que le vol de pommes n'était pas matériellement prouvé. Son client, qu'en sa qualité de défenseur, il persistait à appeler Champmathieu, n'avait été vu de personne escaladant le mur ou cassant la branche. On l'avait arrêté nanti de cette branche, que l'avocat appelait plus volontiers rameau, mais il disait l'avoir trouvé à terre et ramassé. Où était la preuve du contraire? Sans doute cette branche avait été cassée et dérobée après escalade, puis jetée là par le maraudeur à l'armée. Sans doute il y avait un voleur. Mais qu'est-ce qui prouvait que ce voleur était Champmathieu? Une seule chose, sa qualité d'ancien forçat. L'avocat ne niait pas que cette qualité ne parût malheureusement bien constatée. L'accusé avait résidé à Faverolles, l'accusé y avait été émondeur. Le nom de Champmathieu pouvait bien avoir pour origine Jean-Mathieu. Tout cela était vrai. Enfin, quatre témoins reconnaissaient sans hésiter et positivement Champmathieu pour être le galérien Jean Valjean. À ces indications, à ces témoignages, l'avocat ne pouvait opposer que la dénégation de son client, dénégation intéressée. Mais en supposant qu'il fût le forçat Jean Valjean, cela prouvait-il qu'il fût le voleur des pommes? C'était une présomption, tout au plus, non une preuve. L'accusé, cela était vrai, et le défenseur, dans sa bonne foi, devait en convenir, avait adopté un mauvais système de défense. Il s'obstinait à nier tout, le vol et sa qualité de forçat. Un aveu sur ce dernier point eût mieux valu, à coup sûr, et lui eût concilié l'indulgence de ses juges. L'avocat le lui avait conseillé. Mais l'accusé s'y était refusé obstinément, croyant sans doute sauver tout en avouant rien. C'était un tort. Mais ne fallait-il pas considérer la brièveté de cette intelligence? Cet homme était visiblement stupide. Un long malheur au bagne, une longue misère hors du bagne, l'avait abruti, etc., etc. Il se défendait mal. Était-ce une raison pour le condamner? Quant à l'affaire Petit Gervais, l'avocat n'avait pas à la discuter, elle n'était point dans la cause. L'avocat concluait en suppliant le jury et la cour, si l'identité de Jean Valjean leur paraissait évidente, de lui appliquer les peines de police qui s'adressent aux condamnés en rupture de ban, et non le châtiment épouvantable qui frappe le forçat récidiviste. L'avocat général répliqua au défenseur. Il fut violent et fleuri, comme sont habituellement les avocats généraux. Il félicita le défenseur de sa loyauté et profita habilement de cette loyauté. Il atteignit l'accusé par toutes les concessions que l'avocat avait faites. L'avocat semblait accorder que l'accusé était Jean Valjean. Il en prit acte. Cet homme était donc Jean Valjean. Ceci était acquis à l'accusation et ne pouvait plus se contester. Ici, par une habile antonomase, remontant aux sources et aux causes de la criminalité, l'avocat général tonna contre l'immoralité de l'école romantique, alors à son aurore sous le nom d'école satanique, que lui avaient décerné les critiques de l'Oriflamme et de la Quotidienne. Il attribua, non sans vraisemblance, à l'influence de cette littérature perverse, le délit de Champmathieu, ou pour mieux dire, de Jean Valjean. Ses considérations épuisées, il passa à Jean Valjean lui-même. Qu'était-ce que Jean Valjean? Description de Jean Valjean. Un monstre vomi, etc. Le modèle de ces sortes de descriptions est dans le récit de Théramène, lequel n'est pas utile à la tragédie, mais rend tous les jours de grands services à l'éloquence judiciaire. L'auditoire et les jurés frémirent. La description achevée, l'avocat général reprit, dans un mouvement oratoire fait pour exciter au plus haut point le lendemain matin à l'enthousiasme du journal de la préfecture, « Et c'est un pareil homme, etc., etc., etc. Vagabond, mendiant, sans moyen d'existence, etc., etc., etc. Accoutumé par sa vie passée aux actions coupables et peu corrigées par son séjour au bagne, comme le prouve le crime commis sur Petit Gervais, etc., etc. C'est un homme pareil qui, trouvé sur la voie publique en flagrant délit de vol, à quelques pas d'un mur escaladé, tenant encore à la main l'objet volé, nie le flagrant délit, le vol, l'escalade, nie tout, ni jusqu'à son nom, ni jusqu'à son identité. Outre 100 autres preuves sur lesquelles nous ne revenons pas, 4 témoins le reconnaissent, Javert, l'intègre inspecteur de police Javert, et 3 de ses anciens compagnons d'ignominie, les forçats, Brevet, Chenillieu et Cochepaille. Qu'oppose-t-il à cette unanimité foudroyante? Il nie. Quel endurcissement! Vous ferez justice, messieurs les jurés, etc., etc. Pendant que l'avocat général parlait, l'accusé écoutait, la bouche ouverte, avec une sorte d'étonnement où il entrait bien quelque admiration. Il était évidemment surpris qu'un homme pût parler comme cela. De temps en temps, au moment les plus énergiques du réquisitoire, dans ces instants où l'éloquence, qui ne peut se contenir, déborde dans un flux d'épithètes fleurissantes et enveloppe l'accusé comme un orage, il remuait lentement la tête de droite à gauche et de gauche à droite, sorte de protestation triste et muette dont il se contentait depuis le commencement des débats. 2 ou 3 fois, les spectateurs placés le plus près de lui l'entendirent dire à demi-voix « Voilà ce que c'est de n'avoir pas demandé à M. Balou.